Chapitre 25. Le dimanche suivant, après la messe, je la rencontrai de nouveau chez Joël. Elle achetait de la laine pour les bas d'Amoric, et le choix lui était difficile entre tous les écheveaux multicolores. Enfin, elle se décida pour de la laine framboise. Puis, elle tripota dans un fouillis de toutes sortes de choses et en tira une étroite dentelle. « Oh, comme elle est jolie ! Pour la coiffe ! À demi-mètre, 10 sous. Oh !» Yvonne jeta la dentelle sur le comptoir. « À quoi penses-tu ? Je ne suis pas si riche. »« Donne-moi la dentelle, » dis-je, et j'allongeai une pièce de 10 sous. Alors je sentis que quelqu'un me regardait et je me retournai. Rose Eyre était derrière nous. Avec ses cheveux jaunes, ses joues creuses et toutes ses taches de rousseur, elle avait l'air fanée malgré sa jeunesse. « Bonjour, Rose Eyre. » Mais elle était déjà partie. « Eh bien, Yvonne, veux-tu la dentelle ?»« Non, oh non !» Mais quand je l'en priai tout à fait gentiment, elle accepta tout de même le petit cadeau. J'allais à Créache, le soir tombait. Glabre et sobre de ligne, le phare se dressait entre les petites huttes de la lande. Quelqu'un marchait là-haut sur la galerie en sifflant, et ce sifflet sonnait clair dans l'air léger. « Bonsoir, Yvonne !» Yvonne était à la fenêtre, et des lueurs claires brillaient sur ses joues brunes. « Une belle soirée, comme le vent est chaud. Ne veux-tu pas sortir un peu et venir près de moi ?» Yvonne fit un pas en arrière, et son visage devint tout à fait obscur. Ses dents avaient un éclat mat, ses cheveux devaient crépiter quand on les maniait. Yvonne sourit et secoua la tête. Alors on m'appela. « Père, t'appelle !» Là-haut, sur la galerie, Amoric se penchait et me faisait signe. Je montai l'escalier en colimaçon dans la cheminée retentissante. Amoric le borgne écarta les rideaux des vitres et le soleil couchant se brisa en 1000 feux colorés dans les lentilles et les prismes de cet étincelant jouet de cristal. Des faisceaux luisants de poignards bleus et jaunes se pointèrent vers moi, de tranchantes faucilles rouges et vertes me coupèrent les yeux. Sous nous, l'île était déjà sombre et les rochers noirs. Là-bas, à la côte lointaine, un feu spasmodique fusait dans le ciel, comme s'il s'étirait, quelque spectre de fer qui, debout dans le ressac, roulait son œil unique. Les charbons crépitèrent, l'arc lumineux jaillit. Amoric enclencha l'appareil, et le jouet scintillant se mit à tourner sans bruit, projetant ses 4 gerbes de rayons par-dessus nos têtes, au loin, sur la mer. On ne pouvait pas regarder dedans sans en être ébloui. À la côte clignotait, étincelait maintenant, une 12aine de feux blancs, rouges et verts. La parure de courtisane de la France brillait dans la nuit. Amoric était assis sur un petit tabouret, et son œil gauche veillait. « Où as-tu perdu ton œil, grisonnant Amoric ?»« Eh, le vent est venu soufflant, et il a dit « Je suis le vent ». Il a soufflé ton œil hors de l'orbite ?»« Non. » Pendant une tempête, un éclat de verre lui avait sauté dans l'œil. Amoric était assis là, avec son fin sourire, et son visage était imprégné de la bonté de ces hommes qui veillent, solitaires, et se taisent dans la nuit silencieuse. Et où pouvait-on être plus solitaire que dans ce moulin de lumière ? Je sortis sur la galerie. Le vent nocturne plaquait mes vêtements sur mon corps et m'arrachait les paupières. Aux vitres dansaient de gros papillons et des myriades de moucherons qui s'enfonçaient voluptueusement dans la lumière. Comme les jets incandescents de fontaines tournantes, les gerbes de rayons se projetaient dans les ténèbres à la distance de 30 000 marins et davantage. L'île était complètement noire, d'un noir mat, et la mer était d'un noir brillant, et elle était mouvante. Une étincelle verte voguait vers le nord. Il savait, c'est Créache. Dans 4 heures, nous sommes dans la Manche. Dans 20-50 heures, nous sommes chez nous. Nous veillons, et de temps à autre, nous échangeons un mot bref. Amoric avait depuis longtemps désappris de parler. Au cas où la brume viendrait, nous ouvririons la petite manette, et l'air comprimé beuglerait dans le pavillon de la sirène. Mais il ne vint pas de brume, la nuit était parsemée d'étoiles. « Eh bien, bonne nuit, Amoric. Tu t'en vas ?»« Oui, je suis fatiguée. Tu es encore éveillée, Yvonne, si avant, dans la nuit ?» Yvonne était dans la fenêtre obscure et elle souriait. Elle savait tout, et pourtant c'était une jeune fille. « Sors, Yvonne !»« Non ? Alors tends-moi la main. Kenavo, Yvonne !»« Kenavo ?» murmura-t-elle. « Yvonne, rouvre la fenêtre. »« Oui !» Je tirai de ma poche la petite chaîne d'argent et je la jetai dans la fenêtre. Je l'entendis tomber, je ne dis rien et je m'en allai. Chapitre 26. Quelques jours plus tard, j'étais assis sur la pierre devant ma maison. Je posai la main dessus et tiens, elle devint toute blanche. C'était le sel provenant de tous les embruns des grandes tempêtes. J'étais assis et me chauffais au soleil et j'avais dans le cœur des pensées paisibles. Alors une jeune fille vint par la lande. Elle avait l'air de chercher quelque chose. Elle s'arrêta, puis elle vint droit à moi. « Est-ce ? » Non, elle avait des cheveux clairs. « C'est toi, Rosaire ? » dis-je en me levant. Je me sentais le cœur si froid, et mon regard aussi était froid. La tempête est venue, et son souffle m'a emporté dans une contrée lointaine, Rosaire. Je ne demeure plus ici. Poupoule, au contraire, se comportait comme s'il eût été fou de joie, où il sautait, la langue tendue, vers le visage de Rosaire. Rosaire ne dit rien, elle écarta Poupoule et me regarda. « Où as-tu été tout ce temps-là, Rosaire ? » demandai-je en souriant. Rosaire me regarda. « Le temps n'a pas dû te paraître long, » bégaya-t-elle. Le sang lui monta au visage et ses yeux devinrent sombres et durs. Puis elle sourit avec mépris et son regard flamboya. Elle tira quelque chose de son corsage et me jeta mes deux bagues devant les pieds. « Je n'ai pas besoin de tes bagues, » proféra-t-elle en pâlissant. « Donne-les à Yvonne. Ton argent aussi, je veux te l'apporter. » Je ne pus m'empêcher de rire. Rosaire était jalouse, voyez-moi ça. « Rosaire, qu'est-ce qui te prend ? Pensais-tu que j'allais me mettre à l'ancre pour l'éternité devant ton cœur ? Ne sais-tu pas que je suis en marche par les grands terrains de chasse de la vie, aujourd'hui ici et demain là, et que je dors toujours dans une tente légère sous les étoiles ? Oh, Rosaire, je ne me construirai une maison solide que lorsque les nodosités de la goutte m'empêcheront de me tenir debout et que l'ennui me contraindra à dicter mes mémoires. » Je regardai Rosaire et secouai la tête en riant. « Voyons, ne fais pas la folle, Rosaire, » dis-je. « Les bagues t'appartiennent, je ne les ramasserai pas. Ne parle pas non plus des quelques francs que je t'ai prêtés, que tu es donc bizarre. » Mais Rosaire frémissait de colère. Elle cria très fort, pleine de rage, mais je n'y compris pas un mot, car elle parlait breton. Finalement, elle s'oublia au point de me secouer par mon paletot. Poupoule jappait et grognait et se préparait à me défendre. « Cesse donc à la fin !» « Que cries-tu comme ça, Rosaire ? » dis-je, d'un ton bourru. Du moment que je lui parlais comme on parle dans l'île, Rosaire revint aussitôt à la raison. « Je n'en dis pas davantage, » continua-t-elle en français. « Tu peux tranquillement lui faire cadeau de la chaîne et de tout ce que tu veux, à elle. Oh, oh, oh, elle va avec tous les matelots. »« Yvonne ? » ?»« Oui, Yvonne !» J'éclatai de rire. « Yvonne ? Ah ah ! Oh non, elle ne va pas avec tous les matelots, elle !» Les yeux de Rosaire pétillèrent. Ses lèvres devinrent toutes blanches. « Veux-tu dire par là que c'est moi qui vais avec tous les matelots ? » « Ai-je dit un mot ? » ?»« Et quand bien même tu l'aurais dit, je puis jurer devant la mère de Dieu que je n'ai jamais appartenu à un autre que Yann, et Yann m'épousera. Mais Yvonne, non, tu peux bien courir après elle. Chacun dans l'île peut te dire qu'à 16 ans, elle a eu un enfant mort-né, ce n'est qu'une ordure. » Dieu m'assiste, je ris. « Rosaire, qu'est-ce que tu dis donc ? Yvonne, ha ha ha !» C'est comme je l'ai dit. Oh, tu la prendras bien assez tôt. Vous êtes des chiens, vous autres hommes, des chiens. Attends un peu, elle te pillera. Et toutes les paroles que tu m'as données, menteur, menteur. Écoute, Rosaire, dis-je en lui touchant le bras pour la calmer. Tu as Yann, n'est-ce pas ? C'est bien mieux comme ça. Rosaire battit en retraite. Oui, j'ai Yann, répondit-elle, c'est vrai. Et bien qu'il ne soit qu'un simple marin, je l'aime pourtant 1000 fois mieux que toi. Je le crois volontiers. 1000 fois. Répéta Rosaire. Et elle me regarda pleine de haine. Ses yeux, dans la lumière du soleil, étaient aussi jaunes que ceux d'un chat. « Tu peux tranquillement aller avec Yvonne, tu es aussi mauvais qu'elle, oh oh. Et tu crois peut-être que je suis jalouse, oh non !» Elle mit les mains devant son visage et elle partit. « Rosaire » criai-je. Mais elle se mit à courir, puis elle s'arrêta soudain et éclata d'un rire retentissant. « Tu n'es qu'un fou, ah ah ah, un fou !» Et elle se remit à courir. Je la suivais des yeux. Comme elle courait vite, comme elle voltigeait, sa silhouette diminuait, s'enfonçait, et je ne vis bientôt plus que sa coiffe blanche qui glissait sur la lande, si vite. Eh bien, cela m'était arrivé de temps à autre de courir ainsi. À présent, c'était son tour. les temps étaient changés. Comme elle était furieuse, quelle haine recelait ce farfadet jaune! Dieu ait pitié de moi, elle m'avait joliment arrangé, elle ne m'avait pas laissé un fil de bon. Je m'en allais par la lande vers Créoche. « Poupoule, parle !» dis-je à Poupoule, qui avait déjà tout oublié. « Dis la vérité. À toi, une bête, il sera plus facile d'être juste qu'à nous autres hommes. N'avons-nous pas vu souvent cette petite coiffe blanche ramer dans la nuit vers le travailleur? Et avons-nous jamais dit un mot? Et elle? Hé, hey, Poupoule, dis la vérité !» Et de nouveau, je fus forcé de rire. Comme elle courait vite, et pourtant, personne ne la poursuivait. Chapitre 27. Non, Rose Eyre n'était pas tendre en parlant de moi. Yann lui-même me le dit quand il vint chez moi le jour suivant. « Tiens, tiens, comme elle est fâchée contre toi !» Le matin, j'étais sorti en mer et j'avais pris un gros poisson, une lourde vieille, grasse comme une grand-mère hottentot. Folle de rage, elle m'avait foudroyé du regard quand je l'avais tirée de l'eau. Maintenant, elle gisait là et les écailles volaient. Ma hottentot était une masse vorace, avec des yeux à fleurs de tête, des yeux d'or stupides et des lèvres de nègre grisâtres et malicieuses, entre lesquelles ricanaient des dents pointues d'un blanc de porcelaine. Par derrière, dans la gorge, elle avait un second râtelier, une râpe de dents plates. Sa panse grasse était recouverte d'un épais réseau visqueux, jaspé comme l'écaille et spongieux comme une morille, qui lui permettait de se tenir au fond dans les forêts d'algues en toute tranquillité sans être vue. Avais-je jamais vu quelque chose de semblable comme avidité, gloutonnerie et vulgarité? Oh oui, des hommes! J'en voyais souvent toute une douzaine réunies qui lui ressemblaient comme des frères. Si je les tenais là, sous mes bras nus et mes mains sanglantes, ce me serait un plaisir. Yann arriva. Il traînait une grande marmite de terre, et cela voulait dire que nous allions cuisiner une de ces fameuses soupes bretonnes. Yann était d'excellente humeur, et je vis tout de suite à son allure qu'il avait dû lui arriver quelque chose de particulier. Après m'avoir fait un compliment sur ma lourde vieille, il mit la main à son gousset. « Veux-tu voir quelque chose? Eh !»« Qu'y a-t-il? Eh bien, veux-tu voir quelque chose ?» répéta Yann. Il me foudroya de ses yeux bleu clair. « Fais voir, » répondis-je, curieux. Yann laissa paraître le bord d'une grande lettre. Il la tirailla un peu, et des billets de banque laissèrent voir leur coin. 1, 2, 3, 500 francs. J'écarquillai les yeux et regardai Yann fixement. Alors Yann sortit la lettre et me tendit l'écrit avec un geste grandiose. C'était de la société anglaise à qui avait appartenu l'Indiana. « Chacun de mes matelots a reçu 100 francs, » dit Yann. « Hé, comme ils écrivent poliment, hein ?» Et regarde l'enveloppe, elle est garnie de toile. As-tu jamais vu une enveloppe pareille? Je regardai l'enveloppe dehors et dedans. Nom d'une pipe, dis-je. Yann se redressa fièrement et lança un regard hardi sur la mer. C'est comme un cadeau du ciel. Plus de 60 francs par tête. Oui, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et Yann me regarda dans les yeux. Maintenant, je peux faire ce que je veux, vois-tu? Du jour au lendemain, il était devenu riche. « Si tu as besoin d'argent, » ajouta Yann, « tu n'as qu'un mot à dire. » Il me tendit 200, 300, 400 francs. « Tu es mon ami, et tu peux en avoir autant que tu veux. » Yann était tout de même un type épatant. Il se lança à corps perdu dans le travail, il jeta sa vareuse, enfonça sa casquette sur la nuque et retroussa ses manches de chemise mâchurées. Dans la marmite se trouvaient des pommes de terre, des légumes, des choux et des raves, une boule de graisse grisâtre, graisse bretonne, une bouteille de cognac et un paquet rond. Il lava, racla, coupa et alluma le feu. Comme la marmite avait une fêlure, il courut chercher de la terre, la pétrit et boucha la fente. Une, deux. Puis il ouvrit le paquet rond soigneusement ficelé. « Et voici un petit souvenir, mon ami, » dit-il. C'était une théière de porcelaine blanche avec de la dorure bon marché. Yann se tenait les jambes écartées et me fixait d'un regard qui en disait long. « Eh bien ? Eh bien, elle est jolie !» Yann eut un rire sarcastique et considéra la théière avec des yeux ironiques. « C'est elle, » dit-il, « c'est la fameuse théière de la Charlotte. Et ces chiens de parjure ont juré dans le temps que j'avais volé une théière d'argent avec des incrustations d'or. Ah ah, qu'est-ce que tu dis de ça ?» Je regardai Yann et me mis à rire. « Tiens, la veux-tu, cette théière d'argent » demanda-t-il. Je secouai la tête. « Non, Yann, merci. Je ne veux rien posséder qu'on ne puisse mettre dans sa poche. Comprends-tu ? Bien. » Yann prit la théière et, lui faisant décrire dans les airs une vaste courbe, la jeta sur les rochers où elle vola en éclats. « Au revoir » Là-dessus, il tira une montre de sa poche de pantalon. « 3 heures, » dit-il négligemment. « À 8, la soupe sera prête. » Mais c'était à peine si j'avais regardé la montre et Yann me l'a mis droit sous le nez. « Oui, 3 heures, juste !» Alors seulement je remarquai la montre. Elle était en or et elle avait un couvercle à ressort, figurez-vous. Cette montre valait 300 francs et c'était un cadeau d'une connaissance de Paris. D'étonnement, je secouai la tête. Yann me fit regarder le mécanisme, le balancier qui tic-taquait. Puis il me fit voir qu'il avait rembourré droite sa poche de pantalon pour que la montre ne souffrît aucun dommage. « Pourquoi ne t'es-tu pas fait offrir des instruments de bord par ton ami de Paris, Yann ? » demandai-je insidieusement, une fois revenu de ma stupéfaction. De l'index, Yann abaissa sa paupière inférieure. « Eh ! » s'exclama-t-il. « Pourquoi ? Comment peut-on poser une question aussi bête ? On aurait prétendu que j'avais volé les instruments de bord de la Charlotte. » La montre était bonne, Yann n'avait pas perdu au change. Je ne pus m'empêcher de rire. « Yann, Yann, comment arriver à y voir clair en toi ? Que de fois tu m'as raconté cette histoire de la Charlotte quand ils te calomnièrent si effrontément ? J'avais pitié de toi. Que de fois tes candides yeux d'enfant se sont emplis de larmes ? Que de fois tu as ri en tri sarcastique ? Moi, un voleur, moi ? Ah ah ah ! L'âme de Yann était à tel point imprégnée d'honnêteté qu'elle repoussait avec horreur le soupçon d'un larcin. Jamais, jamais Yann ne croirait qu'il avait volé, même avec la théière sous les yeux et la montre en or dans sa poche, jamais. Il était trop honnête pour cela. Notre soupe devait cuire 5 heures à petit feu, et nous avions le temps de bavarder un brin. Nous étions assis par terre devant la maison, et Yann nous versa du cognac, de la bouteille qu'il avait apportée, lui, le Richard. Soudain, il éclata de rire. « Que diable as-tu donc fait à Rose Eyre ? » s'écria-t-il. « Tiens, tiens, comme elle est furieuse contre toi !»« Je ne lui ai rien fait !»« Oh, elle n'est pas tendre quand elle parle de toi, mon ami !» continua Yann. « Tu as jeté un œil sur Yvonne Amorique. Elle a été la meilleure amie de Rose Eyre, malgré que... Qui est-ce qui peut comprendre ces femmes ? N'as-tu pas fait cadeau d'une chaîne à Yvonne ? Oh, oh, est-ce vrai ? Et que crois-tu que Rose Eyre m'a demandé ? Eh, eh, que crois-tu ? Eh bien, elle m'a demandé si je pouvais te tuer. Allô ? Oui, ah ah, tant ces femmes sont folles quand elles sont jalouses. Et Yann, que lui as-tu répondu ? Oui, ai-je dit, pourquoi pas ? Je voulais qu'elle soit de bonne humeur. Je sifflais à travers les dents et je ris. Yann aussi riait. Il riait avec la sereine assurance d'un amoureux dont le rival est devenu définitivement inoffensif. « Je lui ai même promis de te tuer, » dit-il. Et elle est devenue humble et souple comme un petit chien. Yann s'interrompit, et avec une mine étonnée, il tira d'entre les herbes une bague. « Eh, qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« L'autre est là, sous la pierre, » répondis-je. « Elle m'a rapporté les bagues. » Yann mit les bagues dans sa poche. Il secoua la tête, mécontent. « Une fille pareille, elle est folle. Je lui donnerai les bagues quand elle sera devenue plus raisonnable. »« Alors, tu lui as promis ?»« Oui, » dit Yann en riant. « Oh, elle était tellement folle. » Elle se refusait à moi. Elle en faisait une condition. Mais elle ne m'a pas fixé de délai. Elle a oublié ça. Je te donne encore beaucoup d'années à vivre, mon ami. Ça ne presse pas. Puis nous parlâmes d'autre chose, et le nom de Rose Eyre ne fut plus prononcé. La soupe était prête. Yann fit claquer sa langue. Quelle soupe ! Il avala avec délice les 2 yeux de ma Hottentot. Nous nous régalions tous 3, Yann, Poupoule et moi. La porte était ouverte et dehors grondait la mer. 1 heure durant, nous pêchâmes dans la marmite avec nos cuillères jusqu'à ce que nous puissions plus nous bouger. Mais la marmite était loin d'être vide, nous mangeons toujours 2 et 3 jours dessus. Puis nous nous assîmes devant la porte dans la bruyère et nous mîmes à fumer. « Joue un petit air, » dit Yann, « juste maintenant qu'il commence à faire brun. » Je jouais, mais tout en balançant ma flûte, je louchais du côté de Yann. Il était assis, les 500 francs dans la main, les yeux au large, et il rêvait. La nuit tomba, et nous rentrâmes dans la maison pour boire un petit verre. Yann avait étalé ses billets de banque, Il faisait jouer à chaque instant le couvercle de sa montre. Il rayonnait de béatitude. Un peu plus tard, il mit la montre sous son sabot et appuya un peu dessus pour voir ce que la montre pouvait supporter. Crac ! Le verre éclata. Mais la montre n'était pas encore fichue pour ça, hein ? Ah ah ah ! Il prit les billets, les roula en boule et fit rapporter la boule à Poupoule. Cet argent, pois, on devrait le donner à manger à un chien. On devrait le jeter au feu. Yann exhiba quelques-uns de ses tours d'adresse. Il retirait une pièce de monnaie d'une assiette pleine d'eau sans se mouiller même le bout des doigts. Ce diable d'homme exécutait ce tour au moyen d'un verre rempli d'air chaud. Il avala une rasade de cognac et raconta l'histoire du serpent de mer qu'il avait vu dans les mers du Sud. Ce faisant, il dénudait son bras, réunissait les doigts en pointe et faisait mouvoir sa main autour de l'articulation du poignet. C'est exactement comme ça que le serpent de mer sortait des flots. Il disait « Bonjour, Yann de Roscoff ». Et dans les Moluques, il y avait une mer qui était lourde comme du plomb. Si un navire la traversait, le sillage y restait creusé toute une semaine durant. « Ah ah, oh Yann !» La nuit était fort avancée quand nous nous séparâmes. Yann lissa les billets et les compta deux fois. Il cherchait sans cesse des yeux à terre s'il n'avait rien oublié. C'était une nature simple. Aussi ne put-il s'empêcher de m'assurer une douzaine de fois de son éternelle amitié. « Nous n'allons pas nous brouiller pour cette toquée de fille » dit-il. Et il me regarda avec des larmes dans les yeux. « Hein ? Il ne manquerait plus que ça, Yann. » Yann me serra la main. « Encore un mot, Yann. Est-ce vrai qu'Yvonne va avec tous les matelots et qu'elle avait un enfant à 16 ans ?»« Tiens, fit Yann en riant, comment peut-on inventer un pareil mensonge ?» Chapitre 28. La mer m'attirait. Je la regardais et elle me faisait signe avec ses milliers de mains. Mon cœur se serrait quand j'apercevais les vapeurs là-bas en pleine mer parce que je n'étais pas à bord. Partir ! Jour après jour, je travaillais en mer. En ce temps-là, nous pêchions un poisson du genre de l'anguille, long d'un mètre, le congre, qui se tient dans les grands fonds. Les lignes étaient de véritables cordes et si longues qu'elles remplissaient tout le bateau. Mais le poisson était comme possédé du diable, il fallait le tuer immédiatement. Le soleil me rôtissait, mon visage, ma nuque et ma poitrine, mes bras et mes mains devenaient rouge cuivre, et à maintes places, noir suie, et la peau se détachait par grandes pièces, mes cheveux se feutraient et tombaient, mes yeux étaient enflammés par le sel, ma voix devenait rauque et enrouée comme celle des pêcheurs. Je parlais aussi le même français hurlant des Bretons, que les Français eux-mêmes comprennent difficilement, et le diable m'emporte, j'avais appris à jurer et à brandir le poing. Quand le temps était mauvais, je m'entendais avec Jean-Marie. Pour une bouteille d'eau-de-vie, le roi de la mer sort quand vous voulez. Nous partions tout seuls dans notre bateau minuscule, tandis que les grands langoustiers tiraient sur leurs chaînes. Nous avions toujours de la chance. La mer chantait et poussait des cris de joie. Souvent, dans la nuit, un vacarme séducteur s'élevait devant ma maison et je m'éveillais. La pluie fouettait la fenêtre et le vent criait « Allô, pilote ! Quédril, allô ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais partir, pilote. Partir où ça, maintenant ?» Je riais. « Oui, partir ! Un petit tour d'arrosage. Tu ne feras pas ça pour rien. » Quédril passait la tête à la lucarne. « Entends-tu la mer ? Nous ne ferons pas 100 mètres. Je t'offre 20 francs, 2 000 en dehors de la baie. » Quédril sortait à demi vêtu et descendait à la mer en sabotant. Il levait les mains d'un geste gauche. « Je t'offre 50 francs pour 1 heure. » Quédril me regardait et rentrait chez lui. « Allô, pilote !» Mais Quédril ne répondait plus. Et je regardais le large avec des yeux secs et brûlants. Ces jours-là, je vis aussi une fois Rose Eyre. Un soir, je revenais avec Jean-Marie et quand nous accostâmes, Rose Eyre était sur le quai. Elle avait à la main un petit panier rond et le montra à Jean-Marie. « Des crevettes !» Elle riait. Elle ne me regardait pas, mais soudain elle devint pourpre, car elle avait senti mon regard. « Huhu !» rit Jean-Marie, et il débarqua. Rose Eyre tourna les yeux vers moi et me dit en souriant un peu timide, « Voulez-vous des crevettes, monsieur ?»« Merci, » dis-je froidement. Alors les yeux de Rose Eyre flamboyèrent, elle lança le panier à la mer et s'enfuit. « Huhu ! Qu'est-ce qu'elle a donc ?» dit Jean-Marie avec un gros rire lourdeau. Les jours suivants arrivèrent différentes choses auxquelles je ne fis guère attention et que je compris seulement plus tard. Une fois en rentrant à la maison, je vis à ma grande surprise quelqu'un debout sur la porte. C'était Joël le marchand. Je m'approchai, et voilà que le maire apparut auprès de Joël dans la porte. Tous deux étaient gênés. « Qu'y a-t-il » dis-je. Joël regarda le maire, et le maire regarda Joël. « Nous vous avons cambriolé, » dit Joël, avec un sourire. Je me redressai. « Vous me voyez très surpris, monsieur, » dis-je. De nouveau, les deux compères échangèrent un regard. « Pour dire la vérité, » commença le maire, « une dénonciation est parvenue à la mairie. On a prétendu que tu étais un espion qui explorait l'île. » J'éclatai de rire. « Je paie 1000 francs sur le champ, » dis-je, « si vous trouvez chez moi un trait ou une ligne d'écriture. » « C'est bon, nous avons fait notre devoir. » Ils s'en allèrent, l'oreille basse. Quelques jours après, je remarquai qu'il n'y avait plus d'eau dans mon tonneau. Il avait plu violemment ces nuits-là, mais dans le tonneau, il n'y avait pas une goutte d'eau. J'examinai le tonneau. Oui, il fuyait. Au bord inférieur, une douve était endommagée. Poupoule reniflait une pierre qui se trouvait à proximité du tonneau. Mais cela ne me frappa que plus tard. Je ne pensais à rien. Vinrent des jours troubles et découragés. Ils ressemblaient au visage des désespérés qui errent sans but et par moments s'arrêtent pour réfléchir à une chose que leur tête malade a depuis longtemps oubliée. La mer se jetait d'un côté à l'autre en gémissant. Toutes ces vagues errantes, c'étaient des hommes, des milliers et des milliers d'hommes, qui s'en vont de ci, de là, et qui périssent, et personne n'a vu où ni quand. Non, pas ça, que la tempête vienne, la violente, car magnifique, est une mort sauvage. Les pêcheurs ne sortaient pas, pas même Jean-Marie. Je pouvais faire sonner les écus dans ma poche, le roi de la mer restait sourd. « J'ai peur, » hurlait-il. « Si toi aussi tu as peur, roi de la mer ?» Je vaguais dans l'île, un pli au front, prêtant l'oreille à la rumeur de la mer. Le son était le même que si j'avais été au milieu d'une cataracte. Le ciel était plein de saletés et d'immondices, et des lambeaux de nuages troubles en pendaient verticalement et traînaient sur l'île et sur la mer. Le pli de mon front se creusait. Je n'allais pas à Créache. Non, Yvonne, je n'avais dans le cœur nulle pensée folichonne. J'allais donc à Stiff, à la station de TSF. J'y travaillais des journées entières avec une ardeur folle, comme si j'avais dû bientôt subir un examen décisif. Nous parlions aux invisibles, avec du feu vert et de l'ozone, comme des esprits en conversation. Quelle odeur! Comme dans les forêts de mon pays, après les averses. Monsieur Bouchet maniait le levier, et les éclairs verts jaillissaient entre les conducteurs polis, ronflant et crépitant. Par moments, la vapeur avec qui nous parlions était tout près, et nous pouvions voir son oriflamme de fumée à l'horizon. Mais souvent, ils étaient loin. « S'il vous plaît, donnez-moi votre poing. » « Tre, tre, tac, tac, tre. » C'était son poing. Dieu nous assiste, où était-il? Il était encore à l'ouest des Açores. Nous travaillions avec calme et patience. Fréquemment, il nous fallait lancer la question une douzaine de fois avant d'être compris. Depuis 2 jours, nous cherchions à prendre langue avec un vapeur à bord duquel se trouvait M. William Finch. « Votre mal suit par le prochain bateau. Tre, tre. Votre mal suit par... » Chaque fois que M. Boucher avait un quart d'heure de libre, il lançait cette dépêche par les airs. Parfois, la communication était interrompue, Dieu sait par quoi, et ce n'était que des heures après qu'on nous entendait de nouveau. Tous ces petits mots qui vibraient dans l'air, nous envoyons chaque jour plusieurs sacs de baisers par-dessus la mer, c'était nous qui jetions dans un vertige de joie M. Schmitt, Edgar Schmitt, éloigné de 1000 milles marins, en lui annonçant que sa femme, Anna, l'attendait, avec ses enfants, à l'hôtel du commerce, à Cherbourg. Il est assis dans le fumoir, tenant à la main le même numéro des Fliegendeblätter, 20 fois relu, et il regarde, plein d'ennui, par la petite fenêtre, le bastingage monter et descendre lentement. La bande de mer devient étroite, puis large. Depuis 2 semaines, cette bande se rétrécit et s'élargit. « Monsieur Schmitt, monsieur Schmitt, vois-tu comme cela le frappe? Diable, mon chapeau! Tre, tac, tac, comme il a été prompt! Je vais bien et suis en bonne santé. » Dans sa hâte, il n'a rien trouvé de mieux. Alors M. Boucher posait sur sa calvitie l'étrier d'acier portant le récepteur, il épiait le tic-tac et écrivait les mots. Nous pouvions entendre tout ce que Lizard télégraphiait au grand transatlantique, qui imprime chaque jour un journal. De la sorte, nous étions informés de tout ce qui occupait le monde. Nous recevions même les nouvelles plus tôt que les lecteurs des journaux. Là-bas, les rois grommelaient dans leurs armures rouillées, et nous les entendions. Nous entendions crépiter le grand incendie qui faisait rage dans les forêts de la Russie méridionale. Nous entendions le vacarme de la bourse. Les valeurs baissaient. Oh, pouah ! Monsieur Boucher écrivait, et je traduisais, car je remplissais ici les fonctions de traducteur. Monsieur Boucher, en effet, lisait couramment les classiques des grandes langues, mais il ne comprenait pas un mot de la langue usuelle. Chez nous, le silence était grand. Les fils de notre antenne oscillaient, décliquetaient, et le vent rasait la lande déserte. Trois de nos petits rats qui habitaient la station, il y en avait 17, jouaient devant la porte. Mais la mer déferlait. Dès qu'il faisait sombre, la lande devenait blanche comme dans le clair de lune, deux fois, puis elle flambait, une fois, rouge comme de la mousse en flamme. C'était le feu de Stiff. Quand M. Boucher sortait pour prendre une gorgée d'air, il apparaissait deux fois comme un fantôme de craie, puis se transformait en un démon rouge. Tr, tr, tac, tac. M. Boucher était assis et écrivait les mots. C'était un faible écho du gros tambour Europe qui parvenait jusqu'à nous. Fini, Lizard n'avait plus rien à dire. Tard dans la nuit, je rentrais chez moi. En rêve, je télégraphiais encore. Children, all well, much love, Grace. Les étincelles crépitaient et le récepteur tic-taquait. Le 21, 36 degrés, 21 minutes, 44 degrés, 8 minutes, 10, aperçu deux icebergs, Pennsylvania. Alors Poupoule aboya. « Tais-toi donc, » dis-je. Poupoule me lécha la main et gémit, puis je l'entendis renifler à la porte. Je me rendormis. Tout aussitôt, Poupoule me réveilla encore une fois. Il aboyait à haute voix et avec colère. Je prêtai l'oreille. Dehors, un bruit de feuilles froissées et un pétillement. Il me sembla sentir de la fumée. À ce moment, il tonna et une pluie d'orage s'abattit en crépitant. « Ce n'est que la pluie, Poupoule. » dis-je, « dors, vieux Suédois !» Mais le lendemain matin, je vis que la pile de bois devant ma porte était à demi brûlée. La paroi de la maison était noircie de fumée. Si la pluie d'orage n'était pas tombée à point nommé, la villa des tempêtes ne serait sans doute plus debout. Je secouai la tête. « Voilà comme sont les gens d'ici. Ils te jalousent même ton bois, » dis-je, et je crachai de mépris.